Chapitre 12e. À la gare du Nord, les chasseurs s'étaient retrouvés à l'heure dite. À l'exception de la vieille rogneuse, arrivée, selon son habitude, tellement en retard, qu'on avait été obligé de le hisser dans le train des gens en marche, malgré les protestations des employés. Les invités de M. Moret remplissaient deux compartiments. Duplan avait amené un valet de chambre et un chien. On lui persuada difficilement de se séparer du valet de chambre, mais quant au chien, un superbe retriever anglais orange, aux longues oreilles tombantes, à l'œil doux, il fut impossible de le décider à le quitter. En vain, M. Moret chercha à lui démontrer qu'un chien était inutile en battu, il ne voulut rien entendre. Il avait payé son retriever un prix fabuleux et tenait à l'étraîner en belle compagnie. Il le fit donc, bon gré mal gré, monter avec lui dans le compartiment. Le comte de Brixen, qui s'amusait beaucoup de ce type de parvenu orgueilleux et naïf, insista pour qu'on gardât le chien. L'ex-commissionnaire en marchandise lui exprima sa reconnaissance de ce bon procédé avec cette gaucherie ample qui réjouit si fort la gardie. Puis, profitant de la bienveillance du prince, il lui fit admirer une à une toutes les beautés du chien. Il avait des yeux d'homme, et puis monseigneur n'avait peut-être pas remarqué qu'on lui voyait la chair aux tempes, très grande preuve de race. Les chiens de pur sang sont seuls chauves aux tempes. Du reste, il avait des papiers. Les ancêtres des Ross étaient inscrits au Kennel Stud Book. Tiens, s'écria tout à coup l'aréole, interrompant l'énumération de Duplan et s'adressant à M. Moret. Où donc est Lalonde? Je ne l'ai pas vu. Il n'est pas venu, répondit brièvement le comte. Il m'avait prévenu hier soir qu'il serait retenu à Paris. Il n'ose quitter l'objet aimé, dit de Martin de sa voix la plus pointue. Et comme M. Moret, ne pensant qu'à Josette, faisait un mouvement involontaire, la vieille rogneuse reprit. « Ça vous étonne? Vous êtes encore de ceux qui gobent la vertu de la belle Mercédès, vous? » « Ah, la marquise de Guibray a une réputation de vertu, » demanda le prince royal, qui caressait doucement les jolies oreilles d'Eros. « Oui, monseigneur, Madame Guibray passe pour invulnérable, » répondit la gardie. La vieille rognure protesta. « Invulnérable? En voilà une sévère. Monseigneur, ceux qui disent ça n'ont pas regardé Madame de Guibray. J'appelle sur ses narines l'attention de votre Altesse, des narines roses, mobiles, furteuses, à la barbe du profil grec qui n'en peut, mais... Si ce sont là des narines vertueuses, je veux bien les dire nupies à Rome. « Oh, moi, je vous crois sans peine, » affirma le comte de Brixen, si nettement que la gardie le regarda surpris. L'aréole revint à la charge. « Eh bien, moi, qui ne crois pas beaucoup à la vertu... »« Il est payé pour ça, » marmotta la vieille rognure entre ses dents. Sans prendre garde à cette demi-interruption, l'aréole continua. « Je suis convaincu que Madame de Guibray est irréprochable, du moins en ce qui concerne Lalonde. Si la passion qu'il affecte était sincère, il ne l'afficherait pas ainsi. » La marquise lui sert tout simplement de paratonnerre, et les plus malins n'y voient que du feu. M. Moret regarda attentivement l'aréole, puis d'un ton enjoué. « C'est bizarre. Cette nuit, au bal, j'ai causé avec un domino inconnu qui pense comme vous, ou à peu près. Un domino flamme de ponche que... Flamme de ponche ?» s'écria le père Ledru, qui, depuis le départ, n'avait pas ouvert la bouche. « Vous l'avez vu ?»« Ah bien, ma fille me l'a assez fait chercher, ce satané domino. » Je ne sais pas ce qu'elle lui voulait. « Je l'ai vu moi aussi, » dit Dammartin. « J'ai même remarqué ses yeux, quand il montait l'escalier. Matin, quels yeux !» La gardie se mit à jouer d'un air indifférent avec la bretelle de la portière, pensant à part lui. « Quelle crasse médite-t-il donc, et à qui en a-t-il? Pourquoi est-il venu en domino chez le père Ledru? Ce n'est pas uniquement pour intriguer Moret, je présume. » Et Mademoiselle Geneviève qui voulait aussi y retrouver ce domino, pourquoi? Tandis qu'il se creusait la tête pour deviner dans quel but, l'aréole tenait à dissimuler sa présence au bal. À un certain moment de la nuit, la vieille rognure, qui ne peut rester 5 minutes sans taquiner quelqu'un, prit le parti de s'attaquer à M. Ledru. Vous semblez soucieux, mon cher M. Ledru. Rien de fâcheux ne motive ce souci, j'espère. Non, je suis un peu fatigué. Je n'ai dormi que 2 heures. « répondit le financier, cherchant à détendre sa physionomie préoccupée. « C'est vrai, Nous vous avons encombré de nos personnes jusqu'au jour. Nous ne pouvions nous décider à partir. » Le souper était tellement bon, dit Duplan, dont la face goulue s'éclaira au souvenir du pâté de foie gras, des truffes et du champagne si copieusement absorbés pendant la nuit. Cet homme, riche à millions, ne pouvait se mettre au diapason de la fortune. Assez adroit pour acquérir, il était incapable de bien jouir de ce qu'il avait acquis. Il conservait les mêmes appétits qu'au temps où il crevait de faim, et abusait de tout aujourd'hui pour s'en refaire. Il se gavait de femmes, de nourriture, de plaisir, comme si la fortune devait lui échapper et qu'il fallut jouir à la hâte de tout à la fois. « Sommes-nous encore loin de Nanteuil ? » demanda-t-il à M. Moret. Et sans attendre sa réponse, « Sont-elles conséquentes, vos chasses ?» Lagardy, riant de tout son cœur, le renseigna. « Mais oui, assez conséquentes, 300 hectares de bois entourés de murs, c'est coquet. »« Oh ! » fit Duplan avec admiration. « Entouré de murs ? » ?»« Dame, si le bois n'était pas clos, nous n'y chasserions pas à cette époque-ci. »« C'est vrai, » reprit Duplan, pétrifié d'admiration. « Je ne pensais pas à la fermeture. »« Et dites-moi, mon cher comte, cela vous a-t-il coûté bien cher ?»« Quoi ? » ?»« Vos murs. » »« Ce n'est pas moi qui les ai fait construire. Ces bois appartenaient à ma femme, dont le père était très chasseur. »« Hein ?» s'exclama Duplan étonné. « Madame la comtesse est riche aussi. » « Bigre, vous pouvez vous flatter d'en avoir une de veine. » M. Moret ne put s'empêcher de rire. Lagardy se roulait, répétant. « Non, il n'y en a pas un pareil, bien sûr. » Duplan sentit qu'il avait dit une bêtise. Il voulut se rattraper. « Madame la comtesse Moret est si belle que je supposais que vous aviez fait un mariage d'amour. »« Je n'ai pas même ce mérite, monsieur Duplan. » « Fichtre, » murmura le parvenu. « Une femme riche, belle à miracle, et de grande famille. »« Oui. La comtesse a un ancêtre qui était templier. J'ai vu le portrait chez vous. »« Et c'est ça qui vous a une mine, un portrait de famille templier, avec le grand manteau blanc et la croix dessus. Voilà ce qu'il me faudrait. Moi, je n'aurais jamais la veine de trouver quelque chose dans ce goût-là. » Le prince royal riait aussi. Tout le monde écoutait Duplan qui continua. « Après ça, vous étiez peut-être plus joli garçon que moi et vous aviez un titre, vous. » M. Moret rougit imperceptiblement. « Oui, » reprit le parvenu, sans se douter que cette fois il pataugeait ferme. « Mon physique est comme il est, je ne peux pas le changer. Mais si je pouvais seulement être comte... »« Non, voyez-vous, je donnerais tout de suite 1 million pour ça, sans regret. »« Ce serait beaucoup, » murmura la vieille rognure. « D'ailleurs, moi, à votre place, j'aimerais mieux être baron. » Monsieur Poirier lui-même se serait contenté de ce titre. Le baron Duplan, voyez comme ça sonne bien. Oui, mais c'est moins que comte. Précisément, on n'a pas l'air d'avoir choisi. Vous avez peut-être raison, répondit le parvenu. Et s'adressant à Monsieur Ledru, toujours sombre et préoccupé, isolé dans son coin, dites donc, Monsieur Ledru, à propos de titre, le prince de Kildar ne vient donc pas? Apparemment, répondit le financier d'un ton bourreux. « C'est amusant, moi qui ai déjà à votre bal dans l'espoir de le rencontrer. »« Vous avez envie de le voir ?»« De le voir, oui, si on veut. »« C'est pas pour savoir comment il a le nez fait, bien sûr, mais je veux lui parler affaire, parce qu'on dit que lui, c'est un brave homme. » répondit tout bonnement le gros Duplan sans aucune intention impertinente. M. Ledru devint verdâtre et il allait riposter violemment lorsque le train s'arrêtant, on cria « Nanteuil le Haudouin !» « Nous sommes arrivés, » dit M. Moret, se penchant au dehors pour ouvrir la portière. Dans la cour de la gare, De Mail, envoyé la veille, attendait les invités. Le comte prit les guides, fit monter le prince royal à côté de lui et laissa les autres chasseurs s'organiser comme il l'entendait. La vieille rognure était enchantée. Ce pauvre père Ledru n'avait pas réussi à grimper sur le bon Mail. Il s'était laissé souffler par Duplan à la place qu'il convoitait et avait été forcé de s'insinuer dans l'autre voiture, au milieu de la banque cosmopolite. Les chasseurs déjeunèrent rapidement au rendez-vous, un grand pavillon de briques, planté au milieu des bois, et vers midi la battue commença. Duplan, déjà un peu gris, ne pouvait contenir son admiration. Peste ! Un garde en livrée verte, galonné d'or, debout au port d'armes, derrière chaque tireur. « C'est d'un chic épatant, » disait-il, enthousiasmé, mais déplorant intérieurement la présence du témoin qui constaterait sa maladresse. Au début de la battue, le comte de Brixen s'amusa franchement de ce genre de chasse qu'il ne connaissait que par ouï-dire. Cette quantité de chevreuils, de faisans et de lapins arrivant sur lui de tous côtés le divertissait fort. Duplan, effaré et maladroit outre mesure, devenait un danger réel pour ses voisins. L'aréole, ne se souciant pas de recevoir Duplan, abandonna sa place et, rejoignant le père Ledru qui, profondément absorbé, oubliait de tirer les pièces qui lui passaient, demanda négligemment « Quel jour pensez-vous que l'alliance sautera ?»« Sauter ?» s'écria le financier furieux. « Sauter ? Mais vous êtes fou ! Tout s'allie, il est vrai, pour nous renverser. Mais nous résisterons, soyez-en certains. L'important est d'avoir tout de suite des capitaux. Quand j'aurai le maniement de fonds suffisant... »« Et pour avoir ce maniement, qu'allez-vous faire ?»« Une nouvelle émission, tout simplement. » « Ça ne m'étonne pas de vous, » répondit l'aréole en tirant un chevreuil qui passait. « Et puis, après cette émission ?»« Après, on verra. » Déjà éreinté avant d'avoir bougé, Dammartin s'était couché sur le ventre à la place où on l'avait posté. « Est-ce assez beau, cet animal-là » cria-t-il à la gardie, placée à quelques mètres, en lui montrant un faisan qui arrivait sur eux, voletant lourdement. « Vous ne le tirez pas ?» fit le journaliste, stupéfait. « Ma foi, non, il me plaît, cet oiseau. Et moi, je ne suis pas un chasseur-viandeur. » Quoique très préoccupé, M. Moret faisait fort aimablement les honneurs de sa battue. Il désirait que le prince royal eût plus de pièces au tableau que les autres chasseurs. Mais M. de Jurieu et le baron Sinéi n'entendirent pas de cette oreille. D'ailleurs, le comte de Brixen, lorsqu'il eut tiré une soixantaine de coups de fusil, déclara qu'il en avait assez. Chacun semblait avoir envie de regagner Paris. « Est-ce que ça ne va pas finir bientôt ?» demanda l'aréole, s'approchant de Dammartin, toujours allongé dans sa position favorite. « Je ne me suis pas couché, je tombe de sommeil. » De la main, il étouffa un bâillement. Son chapeau de feutre gris à large bord lui couvrait le front, projetant une ombre sur les yeux qui seule apparaissait entre le chapeau et la main posée sur le bas du visage. La vieille renure se dressa sur ses pieds, poussant une de ces exclamations rauques et perçantes dont seul il a le secret. « Oh ! » dit-il tout saisi. « C'était vous le domino flamme de Ponche ?» L'aréole fit mine de ne pas comprendre, mais Dammartin s'entêta. Il était sûr de son fait. « Oui, » reprit-il, « c'est là, à l'instant, en voyant vos yeux isolés que je reconnus ceux du domino qui montait cette nuit l'escalier. Tiens, tiens, tiens. C'est vous qui faites de ces farces-là. À nos âges, ce n'est plus permis. Aussi n'était-ce pas moi, » dit sèchement l'aréole. « Vous avez la berlue. »« Oh oh !» murmura la vieille rognure. « Je ne savais pas que ce fût un secret. » Et se retournant vers le gros Duplan qui arrivait, congestionné, l'air humilié. « Eh bien, monsieur Duplan, vous ne chassez plus ?»« Ma foi, non. J'ai un douze qui calotte trop brutalement. Je me sens la tête en bouillie. Et puis j'ai beau faire, je ne peux pas attraper le tir du lapin. » « Ce pauvre monsieur Duplan, et parions que précisément il ne vous est passé que ça. »« Mais à peu près, » balbutia Duplan décontenancé. Puis, réfléchissant qu'il valait mieux prendre son parti et avouer bravement qu'il n'avait pas tué grand-chose, il reprit « Moret est venu me dire tout à l'heure qu'on s'arrangerait pour laisser le comte Brixen être le roi de la chasse. C'est pas moi qui l'en empêcherai, bien sûr. J'ai tué trois pièces. Dont une au moins qu'on n'a pas retrouvée. Comment savez-vous ça ? Je le suppose, » répondit en riant la vieille rognure. Duplan tournait sur place comme un ours en cage. « Est-ce qu'on ne va pas reprendre le train ? J'aime la campagne, moi, mais pas longtemps de suite. »« Soyez calme, » dit Lagardie. « Le prince royal en a assez. On va partir. » M. Moret n'était pas fâché de voir la chasse finir de bonne heure. La pensée de Josette seule et libre le poursuivait malgré lui. Il sentait bien pourtant que sa présence à Paris ne changeait rien à ce qu'il croyait être. De lui-même, il était sorti de la vie de sa femme trop complètement pour oser essayer d'y rentrer aujourd'hui. Mais sa fureur contre M. de Lalonde était devenue plus violente encore depuis que, dans le train, l'aréole avait émis l'idée que Mme de Guibray lui servait de paratonnerre et que son amour pour elle était joué. Sauvant les apparences par une extrême correction qui fait illusion à ceux qui n'y regardent pas de trop près, mais vaniteux et sans esprit, M. Morin n'admet pas qu'il lui soit possible de se tromper. Or, il avait été pris à la prétendue passion d'André pour Mme de Guibray, et il en avait plaisanté devant Josette, comme ils avaient dû se moquer de lui. Auprès de cette souffrance d'amour-propre, la trahison en elle-même n'était rien. « Je ne sais ce qu'amorait, » dit la vieille rognure à Lagardie en descendant du train, « mais il n'a pas dit un mot pendant toute la route. Il n'est pas dans son assiette.